Bonjour, vous écoutez le podcast de la Société française des études japonaises. Je suis Grégoire Sastre, docteur en histoire japonaise et membre du conseil de la SFEJ. Le podcast, dont cet épisode est le premier, a pour objectif de diffuser la recherche universitaire en japonologie. Il prendra la forme d'entretiens avec des chercheurs spécialistes du Japon et, si cela est possible, de retransmissions de conférences universitaires. Nous aborderons les thématiques et les disciplines les plus diverses, de l'histoire à la littérature, de la philosophie à la sociologie, mais avec toujours le souci de rendre accessibles les travaux universitaires. Pour ce premier entretien, je recevais Arthur Mito, docteur en langues et civilisations japonaises de l'Institut national des langues et civilisations orientales, avec une thèse soutenue en 2015 sous la direction de Michael Luken. Il est actuellement rattaché à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, de l'INALCO, et au Centre de recherche sur le Japon de l'EHESS. Il est également attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris Diderot. Nous allons parler histoire de l'art et esthétique notamment. Donc, cher Arthur, peut-être que tu vas nous dire deux mots sur cette notion. Déjà, bonjour. Et bonjour. Nous dire deux, trois mots sur cette notion d'esthétique. Oh ben merci Grégoire. Pour le préciser tout de suite, le sens dans lequel je l'emploie, je ne parle pas d'esthétique dans le sens où on entend parfois l'esthétique d'un objet, comme une sorte d'usage un petit peu objectivant du mot, on va dire l'esthétique par exemple des arts du thé ou l'esthétique de la peinture japonaise, comme si c'était quelque chose qui était immanent à l'objet lui-même. Pour moi, l'esthétique, c'est vraiment prise dans une sorte d'un courant intellectuel qui est issu d'un mouvement général scientifique et philosophique, qui est la pensée des Lumières de l'Europe du XVIIIe siècle. Et une des originalités de ma recherche, c'est d'étudier une sorte d'avatar de cela dans le Japon essentiellement de Meiji, puisque alors ça c'est quelque chose qui a été étudié, y compris en France, mais en particulier au Japon, bien sûr, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, c'est-à-dire la question de l'introduction de cette vision de l'art au Japon. Alors, pour la définir en quelques mots, c'est une façon de considérer l'art qui consiste essentiellement à essayer de se poser la question de la valeur des objets et de réfléchir à ce qui crée, d'où vient la valeur des objets, la valeur artistique des objets. Donc, c'est l'esthétique, elle s'est souvent tendue dans le sens de théorie des arts, surtout au sens actuel. Moi, sans me lancer dans ces questions, parce qu'il y a beaucoup de façons de considérer l'esthétique aujourd'hui, mais je crois que je reste sur une définition qui est une conception de l'art qui cherche l'idée qu'il y a des valeurs. Alors, quelles sont ces valeurs? Est-ce que c'est le beau, le sublime? Et alors ensuite, ça pose des tas de questions. Quand cette esthétique est appliquée à l'art japonais, du coup, quels vont être les concepts, quels vont être les mots qui vont être appliqués? Donc, c'est un peu tout ce champ-là. Et moi, je l'étudie de façon scientifique, au sens avec un angle historique en particulier, même si je m'appuie sur mon parcours en philosophie pour utiliser les ressources de l'analyse philosophique, pour étudier les textes, comprendre le sens des mots chez les auteurs. Donc, je travaille sur une histoire de cela. Il y a autre chose que je rajoute aussi, qui est, ça c'est ce qui est plus récent, un apport de la recherche plus récente dans ce domaine-là, notamment, ce que je connais surtout, c'est des théories, des recherches récentes qui ont eu lieu sur l'esthétique dans les années 90-2000, avec des auteurs comme Jean-Marie Schaeffer, Yves Michaud, il y a beaucoup, Jacqueline Lichtenstein, il y a tout un champ de chercheurs en France et ailleurs, mais en France ça a été assez actif, qui s'interrogent sur qu'est-ce que c'est que finalement l'esthétique de façon plus globale comme une attitude de l'être humain. Alors il y a des expressions comme conduite esthétique, attitude esthétique. Alors pour le définir en quelques mots, il s'agit du fait de considérer un objet en cherchant une sorte de plaisir particulier, qui serait le plaisir esthétique. Et c'est quelque chose qui peut s'étudier. Alors il y a plusieurs façons de l'étudier. Il y a même des développements anthropologiques là, de cela. Et moi, de façon très simple, je m'interroge, je m'interroge sur qu'est-ce que ça a été au Japon, qui a cette introduction de l'esthétique des Lumières, donc déjà des penseurs qui se posaient la question de la valeur de l'art japonais. Et qu'est-ce que cela a été au-delà de ça, du côté du public, du côté d'autres gens, d'un autre type de public qui vont être, par exemple, les journalistes, les classes moyennes qui disaient comment est-ce qu'ils réagissaient, quelle va être, par exemple, la façon dont un écrivain va regarder un objet d'art après qu'il y ait eu l'introduction de ce paradigme de l'esthétique. Voilà. J'espère pas avoir été trop compliqué là-dessus, mais c'est pour baliser. Hein. Si je résume en quelques mots, je dirais... J'étudie pas l'esthétique comme de façon un peu naïve, j'espère pas être trop naïf, mais comme quelque chose qui est immanent aux objets, mais vraiment comme un courant que j'essaie de dater historiquement et dont j'étudie les développements en quelque sorte. Hein. Voilà. D'accord. De toute façon, on va sans doute affiner cela au fil de l'entretien. Donc, on va dire, tous les docteurs, le travail principal, c'est, en tout cas pour un temps, c'est la thèse, donc la tienne, que tu as soutenue en 2015, à l'INALCO en 2015, était donc intitulée « Beauté et pluralité chez Ernest Fenollosa et Okakura Tenshin, une application du paradigme esthétique universaliste à l'art japonais ancien et sa mise à l'épreuve ». À l'épreuve, oui. Donc, titre un peu long, hein, je m'en excuse. Oui. Et donc peut-être déjà nous donner un cadre historique qui étaient ces deux personnages avant peut-être de passer à des questions, je pense, aussi intéressantes sur le rapport entre les visions occidentales de l'art japonais, peut-être aussi l'inverse et les rapports entre ces différentes manières de comprendre l'art, au fond. Oui. Donc, tu veux que je résume ma thèse, en quelque sorte, où je parle un peu... L'aspect historique, effectivement. Bon, alors, ça, c'est assez connu dans le domaine des études japonaises, mais je pense qu'effectivement, tu as raison de poser la question, qu'on en reparle au-delà, puisqu'on s'adresse à toute personne qui pourrait s'intéresser et qui ne connaît pas ces personnages, qui ne sont pas si connus en France, c'est vrai. C'est vraiment une sorte de binôme. Hein. Fenollosa était un Américain qui est arrivé au Japon par le hasard de la vie pour enseigner la philosophie, l'économie politique aussi, les sciences politiques, l'économie politique, dans les années 1878 exactement. Il était d'ailleurs très jeune. Et puis il y a eu une sorte de quelque chose qui a un peu donné lieu à une légende dorée, mais il y a eu une sorte de rencontre avec l'art japonais. Alors ce n'était pas spécialement sa tasse de thé, entre guillemets, au tout début. C'est quelqu'un qui avait étudié, d'ailleurs, qui s'intéressait à la peinture aux États-Unis, mais de la peinture à l'huile. Et puis, il y a une sorte de conversion. C'est un événement dont je parle dans ma thèse, mais une sorte de conversion à l'art japonais. Et il est devenu peut-être un des plus grands défenseurs, y compris au Japon. C'est important de situer, parce que mes auteurs vraiment travaillent au Japon. Il y a une partie, à un moment donné, Fenollosa revient aux États-Unis, Okakura va aux États-Unis, mais c'est vraiment un destin japonais à l'origine. On n'est pas dans le milieu japoniste parisien, dont on en reparlera après, puisque tu as posé la question. Hein, mais là, donc, Fenollosa, c'est quelqu'un qui découvre l'art japonais au Japon et qui va avoir un rôle instrumental dans la défense et l'illustration de l'art japonais. Alors, on va soigneusement éviter le mot traditionnel, puisqu'il n'y a pas de tradition, comme nous savons, mais historique, peut-être. C'est-à-dire qui va se mettre à défendre certains arts japonais qui s'opposent, qui l'opposent aux arts japonais qui ont subi une influence occidentale. Donc, il va se posé en défenseur de la... C'est pas encore le terme qu'il emploie, mais de ce qui est asiatique, des arts proprement asiatiques. Alors, Okakura Tenshin. Alors, il faut bien situer aussi sur le terme la question du nom. Okakura est très connu sous le nom de Tenshin, qui est son nom de religion, hein, son nom de mort, comme il y a beaucoup au Japon, qu'on donne après la mort. Alors, certains auteurs japonais insistent pour qu'on ne dise pas le mot Tenshin. Alors, je vais l'appeler Okakura, pour faire plus simple. C'est Kakuzo, son prénom, effectivement, exactement. C'était son élève, ils ont 10 ans d'écart, et il a continué l'activité de Fenollosa, mais avec beaucoup plus de succès. Donc il y a toute une histoire assez connue de la façon dont, dans les années 1880, ils ont participé ensemble aux enquêtes de patrimoine, qui ont déterminé le premier inventaire national finalement du Japon, c'est-à-dire quelles sont les œuvres qu'on va conserver, qu'on va parfois acquérir, que l'État japonais, comme tu sais, bien sûr, les historiens savent, en pleine construction nationale, construction des institutions, ces gens, Fenollosa, Okakura et d'autres, convainquent l'administration japonaise qu'il faut un inventaire national, qu'il faut déterminer un patrimoine, et qu'on va se donner les droits de l'acquérir également, parfois auprès des temples. Donc ils vont faire leur marché, entre guillemets, c'est un peu en plaisantant, mais au travers, ils vont faire plusieurs voyages tous les deux ans dans la décennie 1880 auprès des grands monastères, je dis grands, mais qui vont être institutionnalisés comme étant les grands endroits de l'art japonais dans cette époque-là. Ils vont faire une sorte de plusieurs voyages où ils vont recenser les œuvres d'art et ils vont préparer le terrain à ce qu'ensuite ces œuvres soient décrétées trésor national. Ça, c'est quelque chose qui vient après, dans la décennie 1890. Et donc, ils sont instrumentaux dans la constitution d'un certain nombre d'institutions du patrimoine japonais, alors, il y a le patrimoine, il y a l'aspect patrimonial, c'est un aspect, le passé, mais il y a aussi la question de l'art à venir, c'est la constitution des institutions qui vont former les artistes. Et ça, c'est un aspect sur lequel j'insiste beaucoup dans ma thèse, comme d'autres chercheurs, c'est que c'était des gens qui étaient tournés vers l'avenir. Leur ambition, c'était de rénover les arts japonais pour que l'art japonais soit un art d'avenir. Et donc, parfois, on les présente comme conservateurs, ils ont un côté conservateur au sens propre, mais c'est quand même des gens qui pensaient, à un moment donné, qu'ils allaient aider à la genèse de nouvelles cultures, réellement, en allant chercher dans le passé japonais. Voilà, j'espère avoir résumé en quelque sorte leur position. Donc, ils constituaient un milieu, en quelque sorte, hein, un milieu par qui ailleurs, s'opposait. Ils étaient vraiment, Coca-Cola, oui. Si je me souviens bien, était conservateur du musée, oui. Du musée d'art, je ne sais plus exactement. Oui, c'est vrai qu'il faut que je redise tout ça. Effectivement, il y a tout l'aspect, en termes de carrière, les dates. Hein, Coca-Cola, à un âge très jeune, ils ont donc il y a eu les enquêtes d'inventaire de 1880, il y a eu la fondation du musée d'Ueno, du Ueno Hakubutsukan, à l'époque Taikoku Hakubutsukan, donc le fameux musée actuel des Beaux-Arts d'Ueno, un muséum national d'Ueno que beaucoup de gens peuvent visiter. C'est là qu'il est fondé. Ils ont un rôle central dans la fondation de ce musée. Le jeune Okakula devient très vite directeur de ce musée. Il est aussi, dès le début pour le coup, directeur de l'académie, alors on traduit Académie des Beaux-Arts, ou plutôt l'école des Beaux-Arts de Tokyo, qui est fondée juste à côté du musée. Il y a un lien, les étudiants, les artistes sont censés s'inspirer des trésors dans le musée pour leur création, pour leurs études. C'est l'actuel Geidai, hein, Geijutsu Daigaku, Tokyo Geijutsu Daigaku, donc il y a musée, école d'art, il y a aussi des textes. Alors ils sont aussi à la tête de courants artistiques. Fenalosa essaye de prendre des artistes, il redécouvre des artistes, y compris des artistes assez âgés, et il influence leur création pour essayer d'en faire les fers de lance du nouveau style qu'il essaye de lancer. C'est Kano Hogai en particulier, Hashimoto Gaho, puis ces vieux artistes eux-mêmes deviennent professeurs dans l'université, piloté par le jeune élève de Fenalosa, mais qui va bientôt prendre son envol et qui va d'ailleurs un peu séparer de son ancien mentor américain. Et c'est la deuxième génération d'artistes qui va donner, par exemple, en peinture, ce qu'on appelle le Nihonga aujourd'hui, qui est la production de ces tentatives de créer un style national japonais. Et par ailleurs, donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le processus de repenser cette esthétique, ainsi de suite, en 82, il y a donc un discours donné par Fenalosa, oui. Où il est extrêmement, il oppose frontalement l'art occidental, oui. avec alors, je sais pas si c'est l'art japonais ou l'art asiatique. Ça porte précisément sur la peinture. Enfin, c'est un discours, alors c'est pour le dire comme ça, je me dirige vers ma thèse. C'est un peu parler ce discours, le traduire notamment, ça a été un des travaux centraux de ma thèse. Alors je dis traduire parce qu'il faut bien voir, c'est un discours qui est en japonais, c'est-à-dire qu'il a un destin en japonais, il a été édité par l'association auprès de laquelle Fenalosa a tenu ce discours. Il est considéré comme ayant eu un rôle très important dans l'histoire des idées. On dit que c'est un des discours qui a introduit le paradigme esthétique, ce que j'ai défini tout à l'heure justement comme le paradigme esthétique issu des Lumières, c'est-à-dire grosso modo l'idée que les arts ont une valeur et que d'ailleurs ils ont une valeur dans la société, une valeur bien à part, ils ont une fonction bien à part, l'artiste est quelqu'un de sacré, il y a une comparaison avec le religieux, mais en même temps c'est différent du religieux, et Fenalosa va apporter comme ça un certain nombre de concepts où il va définir ce qu'est ce qui fait l'importance de l'art dans la société et en même temps qu'est-ce que c'est que le beau, qu'est-ce que c'est que la valeur artistique. Alors il a tout un discours qui est difficile à analyser, mais c'est 30 pages qui sont... Donc le discours a été tenu en anglais, il a été traduit en japonais. On a la version japonaise, qui est un japonais d'ailleurs assez compliqué, intéressant, mais assez complexe à traduire, donc de 1882, et c'est le discours qu'on a, effectivement, qui est la pensée de Fenalosa sous sa première forme, finalement. Voilà, donc je discute pas mal de ça dans ma thèse, qui finalement est pas mal centrée sur ce discours, ce qu'il a précédé, ce qu'il a suivi, les conditions dans lesquelles il a été écrit, son contenu, sa teneur. Et effectivement, tu cites ce discours. Alors, faut savoir en même temps que le rôle exact de ce discours est pas mal discuté, y compris parmi les chercheurs. Hein. C'est une des voies par lesquelles la notion d'esthétique est introduite au Japon. Il y a d'autres mentions. Il y a notamment Nishiyamane, le philosophe Nishiyamane, qui écrit sur l'esthétique. Hein. Il y a pas que Fenalosa, hein, bien sûr. Et puis, par ailleurs, cet événement est un peu particulier parce que, comme j'explique dans ma thèse... après avoir synthétisé d'autres recherches et puis apporté mon propre point de vue, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose. C'est pas Fenalosa, il faut bien voir qu'il n'est pas le seul auteur de discours, en fait. Quand on dit que Fenalosa est l'auteur de discours, on a trouvé depuis un manuscrit en anglais, enfin, c'est une chercheuse qui s'appelle Murakata Akiko et d'autres chercheurs japonais qui ont exhumé des manuscrits, ils les ont mis bout à bout et ils arrivent à un texte qui effectivement se retrouve à être correspondre dans ces grandes lignes au texte japonais final. Alors pour que je puisse comprendre ça, il fallait moi-même que je lise le japonais, donc c'est pour ça que ça a été une grosse partie de ma thèse de lire et traduire ce texte, pour ensuite comparer les deux. Et puis on se rend compte que Fenollosa lui-même a un peu radicalisé sa pensée à partir du moment où il a tenu le discours. Donc l'hypothèse que je propose, c'est que les Japonais autour de lui l'ont poussé quelque part. Il s'est auto-radicalisé par son discours. Tout à fait. Et qu'on le discours par la situation même de tenir ce discours. Donc il faut vraiment revaloriser le rôle des hôtes de Fenollosa, qui est la Lutikai, l'association de la... C'est assez poétique, mais Société de l'étendue dragon, qui était un groupe, en fait, une sorte de lobby, véritablement, un groupe d'administrateurs proches des milieux de l'administration, d'hommes politiques, qui, déjà depuis un moment, en fait, se posaient la question de la sauvegarde des arts et du patrimoine japonais. Et ils ont, en quelque sorte, pris Fenollosa, ils l'ont mis sur le devant de la scène pour tenir un discours, pour leur apporter un peu des éléments de discours, finalement, un contenu, des idées. Mais on a l'impression que Fenollosa lui-même, il se laisse un peu porter par ces événements-là et il devient en quelque sorte leur héros, AUT, hein, donc vraiment leur porte-bannière à la suite de ce discours, vraiment. Et donc, ce qu'on fait souvent dans nos enseignements, notamment à l'université, c'est d'essayer d'éviter les essentialisations Japon, l'orientalisme, ainsi de suite. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans ce discours, il marque une opposition entre Occident, entre l'art occidental et l'art japonais. Oui. Et donc moi j'étais aussi intéressé par les raisons en fait de cette opposition. Est-ce qu'il y a une tentative donc peut-être de la part aussi de ses hôtes à justement dire voilà non l'art japonais il est particulier il faut le et vraiment créer cette opposition. Et par ailleurs, est-ce que cette opposition est aussi en soi nécessaire? C'est aussi la question qui suit derrière. Est-ce qu'elle a du sens? Alors ça, c'est, il y a plein de questions dans ta question. Politique, mais... historique ou vraiment artistique et esthétique? Et ensuite, j'imagine que ça va nous amener aux théories produites par Fenollosa d'abord et Okakura sur qu'est-ce qu'il voyait pour l'art l'art japonais et pour l'art japonais. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là-dedans. Mais on va essayer. Je vais essayer d'être synthétique et clair, mais. Disons que, est-ce qu'il y a de la politique? À un moment donné, tu dis, est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est juste des questions d'ordre culturel? C'est vraiment les deux. Je crois que c'est vraiment. Bon, ça, la plupart des chercheurs, il faut que je cite le nom. C'est Christophe Marquet en particulier qui a fait une série d'articles sur la constitution du patrimoine. Et il résume bien déjà lui-même les recherches japonaises là-dessus. Il y a plein de recherches au Japon. Alors, aux États-Unis aussi, comme j'ai dit, en langue anglaise, c'est très, très, très actif. C'est vraiment une politique de la culture. C'est une politique culturelle de préservation, qui elle-même a des visées pas que politiques, parce que c'est aussi ces gens, ils s'intéressaient vraiment aux aspects culturels, y compris moraux. Il y a quand même, comme tu sais, beaucoup de... On est encore dans une période où tous ces gens qui écoutent Fenollosa, tous ces administrateurs de la Lutikai, sont eux-mêmes de leur culture, c'est le néo-confucianisme, hein, clairement. Il y a un aspect moral dans le fait de préserver le passé. Ce qui les intéresse, c'est beaucoup la connaissance. Hein. Ce que montre bien, par exemple, Marquet, c'est que les pionniers, à l'origine, ce qui les intéressait, c'était qu'on préserve les objets pour que les Japonais connaissent leur passé. Parce qu'il faut connaître son passé pour... comme on sait bien, la grande problématique de l'époque, c'est résister aux puissances occidentales. Et ces gens perçoivent tout à fait que la domination occidentale, elle se joue à plein de niveaux. Elle se joue sur le plan militaire, maritime, économique. Mais ils savent aussi que c'est une domination culturelle. Dès ce moment-là, ils le savent très bien. Et sur le plan historique, il y a vraiment des réalités qui sont... Alors, une crise vraiment du monde des arts. C'est-à-dire que les peintres qui ont redécouvert Fenollosa, c'est assez connu, mais Kano Hōgai, je crois qu'il survivait vraiment en faisant des dessins industriels. Hashimoto Gaho, il faisait des motifs pour les potiers. Donc, je crois qu'il y a un auteur, Takashi Nashuji, qui parle de leurs revenus, c'est rien du tout, ça se compte en scène. Ils étaient vraiment réduits dans la pauvreté. Plus généralement, les objets anciens, pour ce qui est des objets anciens, des objets d'art anciens, il y avait ce qu'on sait bien, c'est que les daimyo ont perdu leurs revenus, puisqu'il y a eu cette mutation de la structure même de leurs revenus sous l'effet des premières réformes de Meiji, et que donc c'était les mécènes en fait de tout le monde des arts. Ils finançaient notamment tout ce qui était les arts liotés, la peinture proche des daimyo, qui était la peinture de type Kano, qui était une peinture dont les clients étaient essentiellement des seigneurs. Alors il y avait aussi la grande bourgeoisie urbaine, mais c'était quand même beaucoup une peinture qui était achetée par les seigneurs. Quand les seigneurs perdent leurs revenus, tout ce monde s'effondre. Et puis il y a aussi une fuite des objets d'art du fait des circonstances économiques et de l'ouverture d'un coup du Japon, des tarifs douaniers, tout ça, les étrangers arrivent au Japon et achètent les objets. Et puis, il y a le japonisme, par ailleurs. Donc, bien sûr, il faut parler du japonisme. Mais il y a une fuite des objets. Et apparemment, ces gens de la Ryūchikai ont voulu avant tout préserver cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand on voit dans leur texte, ça rejoint déjà ce que disait Matsudaira Sadanobu dans ses enquêtes d'inventaire qu'il avait faites à titre privé. C'était la volonté de garder les objets pour préserver le passé du Japon, pour un aspect historique, documentaire. Et Fenollosa lui va rajouter ce truc en plus qui est le côté l'esthétique. C'est qu'en plus, il y a une valeur esthétique. Alors ça, du coup, les gens de la Ryūchikai vont être très intéressés. Donc c'est vraiment une politique culturelle. Le but, c'est protéger la culture, mais derrière, il y a la politique, évidemment. Il y a la construction de l'État. Ça me fait penser au colloque de 1942 sur le dépassement de la modernité. Ah oui, tout à fait. Fenollosa, le discours, c'est 82. Je crois qu'il y a une filiation. En 1942, on commence à dire, est-ce que le Japon a dépassé... Enfin, la modernité étant l'Occident, en fait. Alors bien sûr, ils ne parlent pas encore de dépasser la modernité, mais c'est vrai que certains chercheurs, aujourd'hui, font le lien entre certains textes d'Okakula, qui est considéré à plein d'égards comme un visionnaire, et le colloque de 42. Il y a encore des auteurs aujourd'hui qui vont parler de l'aspect postmoderne de Okakula dans certains textes, notamment à partir de ces textes de 1906, le livre du thé de 1906. Il y a des aspects dedans qui sont toujours considérés comme très intéressants. Au-delà même de la question des arts, de la question des rencontres culturelles, des chocs culturels, c'est pas une théorie du choc des civilisations, mais c'est un peu plus compliqué, c'est plus intéressant, mais il y a un peu cet aspect-là chez lui. C'est toute la place d'Okakula, avec notamment son livre, son ouvrage en anglais, The Ideals of the East, effectivement. Qui est quand même un, oui. Enfin, 1903. Aussi, a posteriori, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur ce bouquin, sur son influence sur les théories de l'asiatisme, ainsi de suite, sur la place du Japon dans le monde. Ce qui est connu, ça va nous emmener très loin. On va revenir sur les questions artistiques. Oui. Alors, donc, ta question, il y avait aussi la question du Japon, la question de l'opposition frontale entre Occident et Japon. Je pense qu'effectivement, elle est nécessaire pour eux, pour ces gens, à partir de ce qu'ils perçoivent de la situation, cette fuite des objets, ce besoin. Ils s'inspirent aussi, on peut le voir tout à fait quand on compare avec le destin du patrimoine dans la France post-révolutionnaire. Ça aussi, je le dois à Christophe Marquet. Mais si on compare l'histoire du patrimoine en France telle que l'a décrit André Chastel et l'histoire du patrimoine au Japon, il y a un parallèle absolument saisissant. C'est-à-dire que c'est une période de bouleversement, une période de construction d'un État d'un nouveau genre, une période de construction nationale. Et il faut construire un art national, il faut construire un patrimoine national qui va avec tout cela. Alors il y a une question aussi. Dans tes questions, il y avait aussi un point très important qui est la question de l'opposition avec l'Occident. Qu'est-ce qu'on oppose à l'Occident? Ça, c'est un point sur lequel j'aime bien insister. C'est le Japon, c'est pas encore complètement le Japon de l'essence nationale. Pas encore. Notamment, il faut bien insister sur le fait que pour Fenollosa comme pour Okakula, la Chine va rester très importante. La Chine et même la Corée, ils n'en ont pas encore conscience. C'est vraiment les recherches qui sont faites dans les années 1890, donc 10 ans après le discours, qui vont révéler l'importance aussi des marges de la Corée. Mais ce qui est intéressant quand on connaît tous les débats qu'il y avait à l'époque dans d'autres domaines que l'art sur le rapport entre Chine, Japon, Corée, mais jusqu'à la fin, Okakula défendra l'idée que la Chine est fondamentale dans l'histoire de l'art japonais, au point que l'art japonais a une dette permanente envers la Chine. Surtout que les œuvres que vont valoriser ces auteurs, en tout cas au début, c'est beaucoup. Par exemple, la peinture japonaise qu'ils vont valoriser, c'est la peinture japonaise influencée par la peinture chinoise. C'est le Kalae en particulier. Leur grand truc, c'est d'opposer le Kalae à des peintures plus récentes et plus appréciées, comme l'estampe Ukiyo-e. C'est des estampes, mais il y a toutes les peintures liées au monde de l'Ukiyo-e. Hokusai a fait des peintures aussi. Tout ce qui est les arts picturaux, les arts graphiques qui sont liés à l'estampe, qui sont très appréciés des japonistes parisiens. Le grand truc de Fenollosa et d'Okakula, c'est de s'y opposer en disant l'art japonais, certes, est formidable, mais ce n'est pas l'art qu'il faut défendre, que vous appréciez. Le vrai art qu'il faut défendre, c'est le grand art de l'époque, du Kalae, de ses cheux, de l'école Kano. Et bien sûr, leur proximité avec les Kano est déterminante à cet égard-là. Donc, c'est un certain Japon. C'est d'ailleurs très intéressant d'étudier Fenollosa comme un signe de la diversité des milieux japonistes. C'est un certain type de japonisme contre un autre qui se joue ici, je pense qu'on peut dire. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est à quel point, au fond, vraiment, il y a d'autres choses qui sont intéressantes par ailleurs, mais comment, en fait, par le regard de l'autre, on va créer, en tout cas, mettre des formes d'art dans un sac, essayer de créer quelque chose de nouveau en disant voilà, ça c'est l'art japonais, ainsi de suite. Comme, au fond, il y a des identités qui se forment sous la pression d'autres identités qui, venant des japonistes, ils ont une vision parcellaire de ce qu'est l'art japonais, en fait. Ils arrivent de loin avec des codes qui sont un petit peu différents. Oui. Et par ailleurs, selon quel japoniste, encore une fois, c'est cette diversité. Oui. Et par ailleurs, c'est justement dans les théories, donc, notamment donc, d'Okakula, c'est aussi l'idée de réfléchir à l'art en fonction... en fonction du lieu, du moment, et de, enfin que pour comprendre l'art, ça n'est pas juste une valeur purement esthétique qu'il faut posséder. Alors ça viendra bien plus tard, ça. En fait, c'est un peu l'intérêt. Peut-être que dans mon article de Debussy, j'essaye de toucher à ces questions-là. C'est vrai qu'il y a Okakula a découvert, arrive à cette idée sur le tard en fait dans sa carrière, l'idée que l'art n'est pas pour apprécier une œuvre d'art, c'est une question de contexte, en fait. Et c'est d'ailleurs un des axes de ma thèse, c'est toujours un des axes centraux de mon interprétation de ces auteurs. C'est justement le fait que l'appréciation de l'art est une question de contexte. Je pense que c'est précisément ce à quoi s'oppose le paradigme esthétique. La façon dont je comprends, je pourrais parler déjà des heures sur cette notion d'esthétique, mais je pense que ce qui caractérise le paradigme esthétique tel qu'il vient de l'Occident, c'est au contraire l'idée qu'on peut apprécier l'art partout, quasiment de n'importe où. Alors, on ne va pas non plus aller jusqu'à Benjamin qui montre à juste titre que regarder une cathédrale et la photographie d'une cathédrale, ce n'est pas la même chose. Y a la question de l'aura. On n'est pas encore dans tout ça, justement. Je crois que Fenollosa, c'est lié foncièrement à la notion d'universalisme. Fenollosa, avec l'esthétique, essaye d'introduire l'idée que l'art japonais peut être apprécié et compris, y compris par des gens qui ne connaissent pas les codes d'appréciation des œuvres en question. Pour le dire autrement, il croit aux valeurs plastiques, on va dire immanentes de l'art japonais, des œuvres qu'il valorise. C'est d'ailleurs, je pense, à la clé de sa critique de certains genres, comme la peinture de lettré, qui selon lui n'est pas internationalisable en quelque sorte. Bon, pour le dire autrement, Fenollosa pense que l'art japonais est à certaines œuvres du passé, certains canons, ce qu'il définit comme des canons, en peinture, en sculpture, ce sont des œuvres dont la valeur plastique, esthétique, va s'imposer par elle-même n'importe où dans le monde, ne serait-ce du fait d'une sorte de valeur immanente. Il y a quelque chose d'objectivisant et d'essentialisant dans ce. Et ça, je pense qu'Okakula va s'en détacher peu à peu. C'est un des trucs dont je parle dans ma thèse. C'est parce qu'il va être peu à peu critique, il va se rendre compte en fait des limites du paradigme esthétique. Et c'est là qu'il va aller vers cette idée, notamment à travers une réflexion sur les arts du thé. Donc aujourd'hui, c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais le fait que dans les arts, les arts liés au thé ou les émotions esthétiques qui peuvent saisir les gens quand ils participent à un chakai, une rencontre de thé. En fait, la saisie du beau se fait dans un ensemble de la relation entre plusieurs objets, y compris elle est liée aussi à l'atmosphère, au temps qu'il fait ce jour-là. C'est pas quelque chose qui peut se voir dans un objet quand il est mis dans un musée. Donc la notion de l'institution muséale elle-même est une personnification du paradigme esthétique. Le fait de détacher l'objet, de le mettre à part, c'est croire que l'objet va pouvoir être apprécié par lui-même tout seul dans son coin en quelque sorte. Et Okakula va peu à peu être consciente du fait que ça marche pas ça. Et je crois qu'on peut voir cette prise de conscience peu à peu dans ses textes. Et je continue à essayer d'écrire cela, même si c'est très très gros, parce que ça dépasse même le périmètre de ma thèse. Même les 600 pages de ma thèse ne suffisent pas à étudier tout cela chez ces auteurs. Mais il y a ça, effectivement, il y a cette question-là. Et notamment, donc, tu parlais du thé, j'ai cru comprendre qu'un des éléments importants de leur travail, c'était en particulier le fait de replacer tous les objets d'artisanat, en fait, qui n'étaient pas donc les fine arts, donc de la peinture, ainsi de suite, essayer de redonner donner, je ne sais pas quel état, comment ils étaient considérés alors, mais de vraiment repenser ces objets d'artisanat, qui sont aussi des productions artistiques et tout. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr, c'est un point assez complexe, je ne travaille pas toujours en ce moment directement dessus, mais par contre, je ne suis pas le seul, c'est assez connu, mais c'est très intéressant, effectivement. Effectivement, la question de la place des arts, alors déjà, même le fait de choisir son terme, c'est compliqué, parce que c'est tout de suite les placer à part, les arts décoratifs, les arts et artisanat, les objets d'art, tout ce qui est... Il y a une opposition, quand on dit ça, entre l'art le vrai, en quelque sorte, qui serait noble par lui-même, et puis un objet d'art appliqué, en quelque sorte. Et alors ça, on peut étudier cette question-là effectivement chez ces auteurs par simplement la place que prend les descriptions, le propos sur de tels objets à l'intérieur de leur texte. On peut voir ça, par exemple, si on étudie le... Alors, il y a un texte, on a parlé du discours de Fennel-Sat 82, mais il a fait sa propre histoire des arts japonais et chinois. C'est un texte posthume, plus exactement, édité après sa mort, mais on peut voir que les arts ont une place réduite. Et pour le dire en quelques mots, en fait, on voit aussi une histoire de la place qu'ont ces arts dans leurs propos. Et Fennel-Sat, clairement, au début, est influencé par son cadre de pensée, qui est qu'il s'intéresse surtout aux arts qui correspondent aux beaux-arts, aux fine arts, c'est-à-dire peinture, sculpture. Alors, architecture, il n'en dit pas grand-chose, curieusement, c'est intéressant de remarquer ça. Musique, il n'en dit rien non plus. Il faut savoir que Fennel-Sat, d'ailleurs, était fils d'un musicien virtuose, et je pense, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir la relation entre peinture et art graphique dans sa pensée. Mmh. Et chaque fois qu'il compare, qu'il chante les qualités de l'art japonais, en quelque sorte, de l'art plastique japonais, peinture, sculpture, il a des métaphores musicales. C'est pour lui, les peintures japonaises sont une musique. Mais la musique japonaise est un objet qui jamais ne passe dans son périmètre. Il a pratiqué le no, c'est ça ? Il a pratiqué le no aussi, il l'a étudié. Alors ça, c'est vraiment à la fin de sa vie. Mais si je reviens aux objets d'art, en fait, Fennel-Sat en parle un peu. Et il a une position ambivalente là-dessus. À la fois, il ne s'intéresse pas beaucoup, mais il y a certains passages où il dit, il y a par exemple une lettre qu'il adresse au musée de Boston, où il dit qu'il faut acquérir des objets d'art parce que les arts d'une époque sont tout un tout, et vous ne pouvez pas comprendre la peinture si vous ne vous intéressez pas aux objets d'art. Mais il n'est pas encore dans la remise en cause du paradigme des valeurs qui fait qu'on va mettre à un moment donné les objets d'art au même niveau que de la peinture. Et ça va venir avec des gens comme Okakula, mais pas que lui, autour de 1890-1900. Et le grand texte qui avalise cela, c'est l'histoire de l'art japonais de 1901, que le gouvernement japonais, une commission impériale, a édité pour accompagner l'envoi d'objets à l'exposition universelle de Paris, et où il y a cette phrase, en substance, il faut que nous signalions au public occidental que au Japon, il n'y a pas de distinction entre les beaux-arts et les arts décoratifs. Ça, c'est un événement extrêmement important. Donc les Japonais, en 20 ans, vont pondre, entre guillemets, l'idée qu'il n'y a pas cette distinction. Ils vont remettre en cause cette distinction. Et Okakula lui-même a un rôle là-dedans. Il invente, dans ses cours d'histoire de l'art, alors en japonais cette fois-ci, il invente un néologisme pour rendre compte de cela. Il va inventer son concept, qui est kogai, mais il va le réécrire avec des kanji qui n'étaient pas utilisés pour ce mot-là. Il va chercher d'autres kanji pour un mot qui existait déjà, kogai. Et il va expliquer pourquoi à ses étudiants. Il va dire parce qu'il n'y a pas, en fait, ce qu'on appelle art en Occident, ce n'est pas ce qu'on appelle art chez nous. Et donc, il y a cette conscience de devoir changer les termes. Mmh. Et qui montre effectivement un intérêt de ces objets. Et donc, le destin des arts et artisanat, des objets d'art, est important dans la pensée de ces auteurs aussi. Mais c'est quelque chose qui se fait, qui conquiert sa place peu à peu. Et je pense que c'est lié au-delà de ça, aux recherches au général au Japon, par d'autres auteurs, par d'autres gens autour d'eux. Il y a notamment la découverte des trésors du Shosoin, la redécouverte des trésors du Shosoin, leur étude est très importante. Donc l'entrepôt du trésor impérial de Nara qui se situe dans le périmètre du Todaiji, qui est découvert et étudié à l'époque. Et donc, tu parles donc de ce mot, kogai. Oui. Et je crois que ça peut nous amener à tes travaux actuels sur le vocabulaire lié à l'art au Japon. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Alors, oui. oui. C'est un peu plus loin, mais c'est vrai que je suis passé de cette thèse. Je continue à travailler sur Fennel-Sat et Okakula, bien sûr, mais plus exactement à la question de l'étude du vocabulaire, effectivement. Je pense que je me suis à un moment donné posé la question de à quoi pouvaient servir mes travaux au-delà même de mon domaine de recherche. J'espère intéresser les historiens de l'art, peut-être, ou les historiens d'histoire culturelle, en tout cas, qui s'intéressent à ces questions des mentalités autour de l'art, bien sûr. Mais j'espère aussi, je voudrais être utile aussi aux chercheurs au-delà de ce que je fais, aux historiens, historiens de la littérature, historiens tout court, de l'histoire politique. Quand on y réfléchit, il y a toujours un aspect politique de tout cela, finalement. Plus je réfléchis, plus je me dis, par exemple, que je sais pas, c'est quelque chose, je ne l'ai jamais lu quelque part, mais le nationalisme, souvent, est vraiment d'essence esthétique quand on y pense. On parlait récemment Renaud Camus, c'est les thèses de Renaud Camus, cet écrivain, quand on y pense, sa position est complètement... Oui, pour dire que pendant la Première Guerre mondiale, alors je me souviens plus du nom d'auteur malheureusement, qui avait été poussé par c'est peut-être pas c'est pas nationaliste, mais une poussée patriotique qui les amenait à vraiment défendre le fait d'aller mourir au front. Il y a une esthétisation de sa propre culture dans les milieux d'extrême droite. Il y a un rapport entre posture d'esthète et nationalisme qui existe. Et puis dans le nationalisme, je crois qu'il y a un aspect de sensibilité, Bon, c'est vraiment une question qui nous emmènerait trop loin, mais en tout cas, oui, ce que je me suis dit que je pourrais être utile, c'est l'étude du vocabulaire, et notamment, il y a un aspect qui me semble important, qui est l'étude critique des concepts, des mots. Je vais prendre un exemple. Je me suis intéressé surtout à la peinture et à ces auteurs dont j'ai parlé, mais pour un peu essayer de découvrir, essentiellement, quand Kakuzo parle de thé, par exemple, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est finalement que l'histoire de la voix du thé? Qu'est-ce qu'il connaissait? Donc, je me pose toujours cette question, je suis en train, quand je peux, d'étudier ça. Et en fait, Okakula lui-même était peu versé finalement dans les arts du thé. Il est venu vraiment sur le tard. Là aussi, il y aurait eu quelque chose à dire. Hein. Les arts du thé n'étaient pas dans le périmètre de vision de Fenollosa au début, encore une fois, à cause de ce paradigme de l'esthétique. Comme la calligraphie, il ne pouvait pas comprendre en quoi ça consistait finalement. Et Okakula, il est venu sur le tard à ça. Et du coup, je me suis interrogé sur la vision de la voix du thé à travers les siècles. Et c'est très intéressant quand on étudie ça, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on nous parle de wabi-sabi. Mais en fait, les gens qui écrivent ça n'ont aucune conscience de la dimension historique de l'histoire de ces concepts. On nous met d'ailleurs toujours wabi et sabi ensemble. Ça maintenant, ça me hérisse, parce qu'en fait, c'est une aberration. C'est-à-dire que la notion de sabi est apparue plus tard par rapport à la notion de wabi. Et il y a une sorte de télescopage entre les deux, alors qu'en fait, les deux racontent une histoire. C'est pas que c'est lié. Alors ensuite, chacun a le droit d'avoir son interprétation et de considérer que le wabi et le sabi, ça va ensemble, parce qu'il y a une sorte de point commun. Mais alors là, j'ai vraiment pas le temps de développer, mais notions qui ont une histoire assez différente. Il y a un auteur au Japon qui s'appelle Iwai Shigeki qui montre bien, il y a tout un livre là-dessus, mais que ce sont. En fait, le wabi même a disparu à un moment donné. Les milieux qui pratiquaient le chanoyu dans l'époque de Meiji, quand on étudie leurs textes, c'est pas du tout un mot qui ressort, le mot de wabi. Juste nous dire rapidement ce qu'est le wabi et le sabi. Je sais pas, j'aurais du mal à le résumer en quelques mots, mais les gens expliquent que c'est l'essence du thé, mais le wabi, c'est censé être une sorte d'esthétique de la pauvreté, de l'abandon. Et enfin, surtout, c'est l'idée de pauvreté et de modestie qu'on trouve dans l'idée de wabi. Alors, il y a toute une histoire qui montre comment, dans le waka, dans la poésie waka, ce mot qui avait un sens négatif, à un moment donné, s'est mis à avoir un sens positif. Et c'est peut-être par le waka, on pense que, donc le Sen no Rikyu, qui est le maître de thé le plus connu au XVIe siècle, peut-être sous l'influence d'un de ses maîtres qui s'appelait Takenojo, qui était lui-même maître de waka et de renga, a utilisé ce mot pour décrire son style de thé à lui, son style de pratique du thé. On n'explique pas ici peut-être ce que c'est que le chanoyu, mais bon, les gens peuvent se renseigner. C'est bien sûr ce qu'on appelle cérémonie de thé en français. Et en fait, il va décrire son style de thé comme le wabicha, c'est-à-dire le thé un peu pauvre, peut-être le thé modeste, pauvre. Et alors maintenant, il y a des tas de développements philosophiques sur ce que serait le wabi. Mais disons, pour le définir, parce que je pense que c'est vraiment une notion qui est... C'est comme ce qu'on va appeler une notion, c'est un puits sans fin si on veut commencer à l'explorer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mot lui-même a une existence relativement isolée à l'époque de... Rikyu l'emploie pour décrire son style de thé, mais ce n'est pas forcément ce à quoi il pense en se levant le matin. Il y avait d'autres aspects de sa pratique qui l'intéressaient au moins autant. C'est vraiment des processus de réappropriation des termes. Invention des traditions. C'est qu'en général, on oublie leurs origines historiques. Oui. Un petit peu, le Japon se remet à pêcher la baleine. On va nous expliquer que les Japonais ont toujours pêché la baleine, voilà, c'est ça. On retombe là-dessus. C'est pas nécessairement vrai. Exactement. Et en plus, non seulement c'est pas vrai, mais du coup, on perd des choses très intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment d'autres Japons à redécouvrir. C'est-à-dire qu'il y avait un Japon qui pratiquait la voie du... D'abord, il y avait un Japon qui pratiquait pas la voie du thé. Il y avait un Japon qui pratiquait la voie du thé autrement. Il y avait le Senchado, qui était la voie du thé aux herbes, enfin du thé infusé, à la chinoise, assis sur des chaises dans une théière qui était en vogue à la fin de l'époque d'Edo. C'est un truc qui est pas du tout connu. Bon, on a notre ami François Lachaud qui a étudié cela dans son livre sur Baisao. C'est vraiment un aspect du Japon qui est un peu oublié aujourd'hui. Quand on nous dit le Japon c'est le wabi-sabi, déjà c'est un appauvrissement finalement, parce qu'il y a tout un Japon qu'on ne perçoit plus et c'est très dommage. Donc il y a eu un Japon qui a analysé aussi la voie du thé sous un angle avec des concepts qui ressemblaient plus finalement à des concepts un peu moralisants, qui à la fois faisaient référence au confucianisme, mais à la fois à la vision du thé héritée de l'époque victorienne en fait, anglaise et américaine. De même qu'il y a eu une redécouverte du thé par les femmes à un moment donné, alors c'était plutôt une activité d'hommes. Il y a toute une histoire comme ça qui est intéressante, et ça c'est qu'un domaine. C'est que la voie du thé. Si on va regarder dans d'autres arts, l'histoire de l'estampe, l'histoire de la peinture, il y a des foules de façons d'apprécier l'esthétique japonaise. C'est pour ça qu'il est particulièrement dommage de vouloir la réduire à certaines choses. On nous parle de tristesse des choses, etc. Mais pourquoi pas? Mais c'est une chose, une petite chose, et qui a une histoire elle-même. Oui, le thé, c'est vraiment intéressant. Alors, j'ai oublié son nom, mais j'avais écouté un chercheur américain à l'EFEO à Kyoto, l'École française d'Extrême-Orient. qui nous racontait en fait que le thé vert on va dire en boîte était vrai quelque chose d'extrêmement récent et qui la manière dont il ça avait été aussi exporté aux États-Unis notamment son origine. Donc c'est, on a toujours l'impression que les choses sont le thé vert en poudre, le matcha ou le thé vert en feuille, et à quel point en fait voilà, on a l'impression que les choses sont là depuis tellement longtemps. Ah, il y a une histoire du thé déjà, comme vraiment à l'origine des mots, au sens des mots, à leur sens original et au sens présent. Voilà, alors il y a la question de la de l'étude critique de la réinvention des traditions. Ça, c'est une chose. Il y a quelque chose qui m'intéresserait énormément, mais c'est compliqué. J'essaie de le mettre en place, mais c'est une histoire des mots utilisés par les gens dans les, par exemple, enfin les gens. Alors, les mots, dans l'idéal, j'aimerais bien connaître ce que employaient les gens comme terme quand ils voyaient des œuvres, en fait, tout simplement à l'époque. Alors, on n'a pas forcément d'enregistrement sonore encore qu'on commence à en avoir, mais on a ce qu'on a. Une source qui me semble une source, c'est les journaux, tout simplement, les quotidiens. La critique d'art, mais des éditorialistes, c'est quels termes ils employaient finalement. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment mes recherches sont. C'est une partie de mes recherches qui peut être aussi, je pense, un point de rencontre, un point nodal avec d'autres recherches. C'est la question du vocabulaire et son histoire. Et comme on sait, notre ADN, entre guillemets, en tant que spécialiste d'histoire japonaise, spécialiste d'histoire. De civilisation, c'est la question de la langue, en fait. L'étude de la langue et son évolution, c'est quelque chose qui est central. Et je pense que c'est aussi quelque chose où on peut apporter des éléments à d'autres chercheurs. Donc je me dis, faire un travail sur la langue et l'évolution de la langue, on se rend bien compte que sous Meiji, il y a une immense évolution, bien sûr, entre le début, le milieu, la fin. Et là, il y a quelque chose à faire sur le fait de voir comment se construisent les mots, les phrases, les jeux de langage, comme aurait dit Wittgenstein, quelque part. Quels sont les discours autour de l'œuvre d'art, finalement. Moi, ce que je constate chez mes auteurs, il y a quelque chose qui me semble très important chez Tenshin, c'est la façon dont le mot « beauté », comme on sait qu'il s'exprimait beaucoup en anglais, mais là, je parle de texte en anglais, « beauty », c'est un terme qui va peu à peu mettre à la périphérie de sa réflexion. Il y a un texte final, je dis final parce qu'il a écrit 2 ans avant sa mort, où il nous dit qu'en fait, il faudrait s'intéresser à la peinture. Enfin, il faut. Un concept valable pour analyser la peinture japonaise, c'est pas le beau, mais c'est l'intéressant. C'est interesting. Et là, je me dis. Alors, en plus, déjà, ça résonne avec, les recherches en philosophie, mais alors en philosophie hardcore, je veux dire, les gens qui s'intéressent à la philosophie esthétique. En esthétique, aujourd'hui, il y a des gens au CNRS qui travaillent là-dessus. Il y a des résonances qui sont très intéressantes sur le fait que l'esthétique, c'est plutôt une question de découverte du monde, du percept, et quelque chose qui est de l'ordre du choc et de l'attention, avant même d'être quelque chose qui est de l'ordre de la beauté, en fait. Et là, il y a une résonance. Mais en plus, il y a une résonance aussi avec l'histoire aussi. Et puis, moi, c'est une anecdote que j'ai à raconter. Je la raconte toujours, elle est un peu idiote, mais j'assistais à une exposition d'Ikebana. D'ailleurs, je crois que c'était pas Yasukuni Jinja. Bon, voilà, je me baladais, c'était d'avoir une fête. Et puis, il y avait une exposition de bouquets de fleurs, d'ailleurs du plexiglas, mais dans l'enceinte du temple, il y avait des gens, des Japonais autour de moi qui regardaient. Et une dame dit « Omoshiroi ne ». Et elle dit « Omoshiroi ». C'est-à-dire que quand elle voit les fleurs, je pense que là, il y a quelque chose qui est lors de la conduite esthétique. Elle était là, elle se promenait, elle regarde des formes qui sont soumises à son attention, elle y prend un plaisir ou non, mais plaisir plutôt que ça, c'est plutôt une question de, elle dit c'est intéressant, Omoshiroi. Et je trouve ça extrêmement intéressant, justement. Je trouve que c'est un objet, dans l'idéal, j'aimerais bien travailler sur, me poser des questions autour de cela, même si c'est difficile de faire un travail sur le contemporain, mais ça, peut-être d'autres gens pourraient le faire, mais moi, à mon époque, c'est voir dans les textes, dans les journaux, quels sont les mots employés, quel est le vocabulaire. Et c'est ça, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément le temps de faire maintenant, mais que je voudrais mettre en place peu à peu dans les années qui viennent, peut-être avec des collaborations, mais à côté de ce que je fais. Et c'est en cela que je disais que mon objet, c'est l'esthétique, à la fois comme théorie, donc j'étudie les théoriciens, donc il y a Okakula, Fenelosa, j'aimerais bien travailler sur les textes de Imamichi, qui est un philosophe qui s'intéresse rétrospectivement beaucoup à la question de l'art japonais. Bon, il y a aussi les spécialistes de l'esthétique universitaire, donc Bigaku, qui se constitue, qui est très importante en nombre au Japon. Il y a des auteurs, Okazaki, Onishi, qui sont des littéraires, en fait. C'est très important, d'ailleurs, sur la question de l'histoire de l'esthétique au Japon, c'est qu'à un moment donné, c'était des gens comme Fenelosa, Okakula, qui était en rapport avec les arts plastiques, qui avait le droit au discours, enfin, qui était qui tenait le haut du pavé pour le discours esthétique. Et peu, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, des littéraires qui vont prendre le pouvoir, qui vont se charger du rôle de définir. Alors, c'est là qu'on arrive à cette question, ce qu'est l'essence de la beauté du Japon. Et c'est là qu'ils vont aller chercher des concepts littéraires anciens comme Monono Awale. Ils vont créer des traditions. Puis, à la même époque, on a des auteurs comme Kawabata qui vont dire, bah, en fait, le Japon, ça a toujours été ça. Ou Mishima qui vont dire, voilà. Et ça, je crois qu'il y a une histoire qui est vraiment intéressante, qu'il est intéressant d'étudier. Alors ça, c'est l'aspect du côté des théoriciens. On va déjà vers les écrivains quand on parle de... Il y a un lien avec les écrivains. Mais il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, comme je disais, c'est la question du vocabulaire des gens moins connus, des gens anonymes parfois. Et c'est pour ça que je disais au tout début que je m'intéressais à l'esthétique à la fois comme une histoire intellectuelle, une histoire d'une pratique intellectuelle, enfin d'une façon d'aborder l'art sur le plan intellectuel, des théories esthétiques. Hein, c'est mon côté historien de la philosophie à l'origine. Mais aussi comme conduite sociale. Et finalement, presque une sociologie de l'esthétique. C'est très ambitieux, je pense, mais c'est pour ça que je définissais ça comme ça au début. Non, mais important d'être ambitieux. Peut-être dans des Nikki aussi, dans des journaux privés. Oui, il faudrait voir ça effectivement. C'est souvent, on n'a pas grand-chose. Enfin, en tout cas, quand on regarde les Nikki, j'ai participé au séminaire sur un... Alors, pour le coup, un Nikki, mais de l'époque Muromachi, de Sadafusa, hein, qui était un grand aristocrate. Et je cherche toujours le vocabulaire. À chaque fois, je suis à l'affût du vocabulaire. Finalement, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu dommage, mais ça nous dit quelque chose. Il n'écrit pas qu'il était au Mont-Chiloré. Non, il n'écrit pas ça, mais il parle aussi des objets qu'il expose, des fêtes qu'il fait, des fêtes où il rassemble de la peinture, des chakai, etc. Mais il ne dit pas forcément, en tout cas pour l'instant. Hein, mais voilà, c'est très vaste, hein, bien sûr, tout ça. Mais effectivement, des Nikki, il faudrait que j'aille voir aussi dans les journaux. Je pense que les textes littéraires sont vraiment une grande ressource. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment collaborer avec des littéraires en particulier. Donc on revient toujours à ces idées. De construction, en fait, de construction oui. intellectuelle, donc de ce qui est l'art japonais. Oui, il y a cet aspect. Disons que c'est un aspect, les constructions, mais il y a une histoire aussi, l'histoire des pratiques, bien sûr, l'histoire des conduites. Ouais. Pour conclure, enfin, si ça peut être une bonne conclusion, j'avais noté que tu avais écrit dans ton article sur Ebisu que Fenollosa prônait un type d'art. Oui, je trouvais ça intéressant le mot de prôner, en fait. Ah, il y a un côté presque religieux. De parler, en fait, de l'art japonais et en même temps de vouloir donner une direction dans laquelle, enfin, en tout cas, je le comprends comme ça, une direction dans laquelle il devrait aller. Ah, ouais. C'est-à-dire que si on parle d'universalisme, on peut aussi parler de liberté. À partir du moment où on dit que l'art doit aller dans une direction en particulier, on perd aussi une forme de liberté. Ça, c'est une contradiction qui est au cœur de quelqu'un comme Fenollosa. Et Okakula, on sera plus conscient parce que finalement, lui, c'est quelqu'un d'un penseur assez fuyant qui va dire des choses différentes selon les textes. Et puis, à un moment donné, si on observe Okakula, il laisse un peu les rênes libre à ses peintres, entre guillemets, les Nihongaka. Il leur donne un programme. Ça, c'est une autrice qui est Victoria Weston, qui a beaucoup travaillé là-dessus sur le Nihonga. Elle montre bien comment Okakula leur donne un programme. Il leur dit, maintenant, pendant les 6 prochains mois, vous allez travailler sur l'atmosphère en peinture. Vous allez essayer de trouver des expressions de l'atmosphère. Et les peintres, Yokoyama Taikan, c'est un peu ça, vous avez 6 mois. Et donc là, il y a un rapport intéressant au niveau de la liberté. Alors c'est vrai que pour revenir à Fenollosa, il y a quelque chose, ce qui est très connu, c'est effectivement qu'il avait, la question d'ailleurs du goût de Fenollosa se pose objectivement, c'est difficile parfois d'aborder certaines œuvres de Kano Hōgai aujourd'hui, ça dépend lesquelles, mais il y en a qui nous semblent très très loin de notre goût à nous, et Fenollosa a voulu que ça aille dans une certaine direction. Et moi, alors, je suis un peu embêté par ça, parce que ça, c'est vrai qu'il a fait ça, c'est très difficile de résumer. Il y a des directions précises qu'il voulait que prenne l'art japonais selon lui. Il avait une vision assez précise, mais je pense que parfois, en fait, non, pas tant que ça, il ne savait pas toujours vraiment ce qu'il faisait. Et tu m'as posé tout à l'heure, avant l'interview, la question des moments où il se dépassait lui-même, en fait, où ses textes pouvaient être pris autrement. Il y a une destinée des textes de Fenollosa, même aux États-Unis. Maîtrisait pas totalement certaines formes d'art, mais qui se permettait quand même d'en parler. Oui, et il y a aussi une anecdote assez que rapporte, je crois, plusieurs biographes, mais là, une fois, il a retourné un tableau, il l'a mis à l'envers en disant il faut que ce soit toujours beau, en fait. Alors là, quelque part, il me semble que ça annonce peut-être de l'art plus tardif du XXe siècle, ce genre de démarche. Bon, en tout cas, Lui, c'est vrai qu'il non, c'était ce qu'il, il prenait des directions assez précises, il refusait un certain nombre de choses, il s'est opposé à la peinture de lettrés. Il est revenu sur certaines de ses opinions en valorisant Hokusai après avoir dit pique-pendre de lui pendant 10 ans, en disant que c'était quelqu'un qui ne savait pas peindre. Enfin, il y a des opinions paradoxales aussi chez Fennel. Il y a un côté polémiste, il va dire des choses qu'il faut pour choquer aussi, pour s'opposer. Mais moi, un aspect sur lequel j'ai plutôt insisté dans ma thèse, qui ne va pas contre, dans ce sens-là, c'est au contraire ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. Alors, dans une des plus, 5 ou 6 choses que j'ai essayé de montrer dans ma thèse, un des 5 ou 6 débats sur lesquels j'ai essayé d'intervenir dans les recherches sur Fennalosa et Okakula, un d'entre eux, c'est la question de la pluralité. C'est pour ça que c'est dans mon titre. C'est que j'essaie de montrer qu'en fait, Fennalosa, même s'il a un côté, en tant que chef, leader, chef d'une école d'art, enfin d'un cours artistique plus exactement, il est assez sectaire. Bah, intellectuellement, en fait, son processus conceptuel, son dispositif conceptuel qu'il met en place dans sa première esthétique du discours de 1882, elle essaye de créer une place pour une pluralité des canons artistiques. Alors, il y a plusieurs textes qui montrent ça. Il y a le discours de 82, il y a un texte de 84 aussi, qui est une sorte de critique de Louis Gons, qui est un texte très intéressant, et, parce qu'il cite beaucoup d'œuvres, en fait, et il s'en prend au critique français Louis Gons. Et en fait, si on analyse bien certains passages, on se rend compte que Fennalosa a vraiment eu l'ambition de créer, même si c'était très peu défini, mais un modèle esthétique universel. Universel au sens où, comme tu disais, ça permet une liberté. C'est-à-dire que les concepts qu'il crée, mais qui sont volontairement flous d'ailleurs, hein, c'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, ils sont volontairement larges, c'est des idées volontairement larges. Les concepts centraux, la notion d'idée, la notion de synthèse, ça vise à montrer ce qui est du bon art et du mauvais art. Et en même temps, il y a plusieurs voies vers le bon art, comme il y aurait plusieurs voies vers le communisme, je ne sais pas, mais il y a plusieurs types de bel art. Il y a notamment l'art classique grec, et son esthétique, elle est censée rendre compte d'une pluralité de paradigmes des valeurs artistiques, que ce soit l'art grec. Ou... qui était importante pour et les... c'est pour ça, et c'est comme ça qu'effectivement, qu'il va à un moment donné proposer une vision alternative de la théorie hegelienne. Il va s'inspirer de la théorie hegelienne pour la retourner. Ça aussi, c'est un autre point, Je ne sais pas si finalement ça a du mal quand même avec ça. Il a du mal à comprendre Hegel. On s'en rend compte. Hein, j'en parle un peu. Ça. Un autre point dont je parle dans ma thèse, c'est finalement ça et Hegel. C'est pas facile, non, mais. À quelle source il avait accès, et puis dans quelle mesure est-ce qu'il arrivait vraiment à se coltiner le fond du système hegelien, qui est assez complexe. Hein, mais en tout cas, effectivement, j'ai essayé de baliser l'usage des termes et la reprise du schéma hegelien des beaux-arts, enfin des figures, il appelle ça les formes de l'art, hein, romantisme, classicisme, c'est le symbolisme, classicisme, romantisme. Fennalosa reprend cette structure, il la met dans un autre sens, il donne d'autres termes à la place. Alors moi, j'essaie de vous montrer pourquoi. Il va introduire le terme d'idéalisme en particulier. Et on retrouve ça chez Okakula, notamment dans Ideals of the East, qui reprend cette structure, qui s'inspire de Fennalosa, mais Okakula lui-même va apporter son vocabulaire. Et en tout cas, c'est cette reprise du système hegelien, elle est rendue possible par cette espèce de structure esthétique, première théorie esthétique des années 1880, qui est d'abord le jeune Fennalosa, et qui est du coup radicalement, enfin foncièrement en tout cas, pluraliste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il laisse en creux la possibilité qu'il y ait plusieurs paradigmes de l'art. Mmh. Il y a un passage en particulier de son texte sur Louis Gons, où il parle des saveurs particulières de l'art occidental et de l'art japonais. Donc on croit que Fennalosa est hostile à l'art occidental à cause de ses textes les plus radicaux, mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Il aimait un certain type d'art occidental, et donc c'est juste qu'il y avait des valeurs dans l'art occidental, dans la peinture occidentale, il y avait de la bonne peinture occidentale et de la mauvaise. Dans l'art japonais, il y avait un bon art japonais, un mauvais art japonais, et il s'agissait pour lui de créer des concepts permettant de distinguer, de critiquer tout cela, de pouvoir faire la distinction. Mais cette dimension de pluralisme, elle est très importante, il me semble, et on la retrouve chez Okakula. Mais le problème, c'est que ça reste un pluralisme qui est dans un cadre esthétique, et le cadre lui-même, parfois, essentiellement, structurellement, empêche de voir. Il y a vraiment des paradigmes qui ne peuvent, enfin des arts. Des genres artistiques qui ne sont même pas dans le scope, dans le champ de vision de cette optique, de ce panoptique. Et c'est le cas de la calligraphie, c'est le cas des arts du thé. Et ça, c'est pour ça que Okakula va, dans un second temps, revenir sur le paradigme esthétique lui-même, avoir des propos assez durs contre lui. Fennalosa lui-même, d'ailleurs, semble-t-il, est un peu revenu sur certaines choses qu'il avait dites. Il a pris une posture de plus en plus modeste à travers les années. Et on peut voir, il me semble, une histoire de cela. Donc, c'est assez complexe. Il y a un cadre esthétique général qui est créé, ambitieux. qui est pluraliste, je crois. C'est pas assez souligné, notamment dans, chez les auteurs américains. Je trouve qu'ils vont toujours dire que finalement ça, ils vont le, un peu le simplifier, le diaboliser. Mais il y a un véritable cadre pluraliste, mais qui est insuffisant, qui est pas assez pluraliste, qui a des défauts intrinsèquement. Et moi, j'aimerais bien m'intéresser à l'histoire de ce cadre lui-même, au-delà même de Fenollosa et Okakula, et puis aussi de comment est-ce que ce cadre est limité, comment son destin en quelque sorte. Voilà. Eh bien, on pourrait continuer encore longtemps, je pense. Il y a plus de 600 pages, des articles, des projets, beaucoup à dire, mais il faut savoir s'arrêter. Et donc, bah, je remercie Arthur Mito d'avoir pris part à ce premier podcast. C'est moi qui te remercie. Et par ailleurs, donc merci aussi à nos auditeurs, ceux qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou le jour où ils nous écouteront. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller plus loin dans la découverte de ces questions complexes, eh bien, vous trouverez une bibliographie indicative dans la description du podcast. Donc, en remerciant à nouveau Arthur d'avoir participé, d'avoir accepté de faire cet entretien, et aux auditeurs, j'espère que vous nous écouterez lors d'un prochain podcast. Merci.